Il nous faut non seulement discerner la différence entre le bien et le mal, mais également la différence entre ce qui est bien et ce qui est meilleur. Bonjour, les ministères En Contact, en collaboration avec Radio Espoir, vous présentent l'enseignement biblique de Charles Stanley. Quand vous priez pour quelqu'un, vous posez un geste concret, vous investissez dans sa vie. Votre prière persistante pour votre famille a le pouvoir de la transformer. Or, savez-vous quelles devraient être vos requêtes pour eux? Êtes-vous capable de prier efficacement et de voir des transformations autour de vous? Aujourd'hui, Charles Stanley nous explique comment notre vie peut être transformée par la prière et nous en divulgue le secret en s'inspirant du modèle de prière de l'apôtre Paul pour une des premières églises chrétiennes. Tous les chrétiens qui veulent prier avec efficacité seraient bien avisés de s'inspirer de cette prière qu'on peut trouver dans le premier chapitre de l'Épître aux Colossiens. Restez avec nous pour en apprendre plus sur le sujet. Voici Charles Stanley. Le message d'aujourd'hui s'intitule « Une prière transformatrice ». J'aimerais discuter avec vous d'une prière écrite aux membres de l'Église de Colosse par l'apôtre Paul. C'est le genre de prière que j'aimerais assurément que l'on fasse pour moi. De mon côté, je vais certainement m'engager à prier de cette façon pour des personnes de mon entourage et chaque membre de ma famille. Je crois que vous voudrez le faire aussi. Aussi, examinons les requêtes soumises dans cette prière. J'encourage particulièrement les parents qui prient pour leurs enfants à écouter très attentivement ce passage. Écoutez cette prière et demandez à Dieu d'encourager une personne à faire cette prière pour vous. Ouvrons notre Bible dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 1, versets 9 à 14. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Par cette prière, nous pouvons toucher n'importe qui sur la surface de cette terre, quelles que soient ses circonstances. La puissance ne réside pas dans la prière en soi, mais dans la puissance libérée par Dieu en réponse à cette prière. Cette puissance se déploiera dans la vie de la personne à qui nous destinons cette prière. J'aimerais maintenant vous poser une question. Pour qui priez-vous? Je ne parle pas seulement d'aujourd'hui. Je pense aux personnes en faveur de qui vous adressez chaque jour des requêtes spécifiques à Dieu. Existe-t-il une personne pour qui vous priez vraiment chaque jour en adressant à Dieu des requêtes précises et bien définies pour elle? Ou aviez-vous commencé à prier pour quelqu'un et votre enthousiasme s'est quelque peu refroidi? Priez-vous fidèlement et ponctuellement pour une personne? Croyez-vous que Dieu va changer la vie de cette personne en réponse à votre prière? Mon intention aujourd'hui est de vous enseigner à prier avec puissance. Vous pouvez devenir capable de prier une grande prière. Et cela n'a rien à voir avec l'utilisation de mots savants ou non, ni avec votre capacité à faire une très belle prière ou pas. Certaines prières sont longues, d'autres très belles. Or, le point n'est pas là. La question est d'exprimer une prière qui libère la puissance de Dieu et qui l'attire du ciel sur la terre pour qu'elle transforme la vie de la personne pour qui vous intercédez. J'aimerais dire une deuxième chose sur le sujet de la puissance de la prière. Nous finissons souvent nos prières avec cette phrase « Seigneur, si c'est ta volonté ». Je crois qu'en un sens, cette parole annule tout le reste. Comprenez-moi bien. Il n'y a rien de mal à terminer de cette façon si vous effectuez une requête sans trop savoir ce que Dieu veut faire, ou si vous ne pensez pas, selon votre compréhension de la parole de Dieu, qu'il existe un passage dans la Bible indiquant clairement que Dieu veut répondre à cette requête ou qu'il ne le veut pas. Or, trop souvent, dire « Seigneur, si c'est ta volonté », constitue pour nous une échappatoire. Si Dieu répond à notre prière, c'est fantastique. Or, si Dieu ne répond pas à notre prière, nous voulons éviter que Satan nous pointe avec son doigt crochu en nous disant « Tu vois, tu n'as pas assez de foi. Tu vois, tu n'as pas vraiment la foi. » Si tu vivais selon la volonté de Dieu, il aurait répondu à ta requête. Par conséquent, pour prévenir cette éventualité, nous annexons « si c'est ta volonté » à notre prière. Cela constitue en réalité une excuse à notre manque de foi afin que nous ne soyons pas obligés de dire « Seigneur, tu as promis que tu répondrais et je le crois. » Cela règle la question. Et je m'attends à une réponse exacte à ma requête. Nous pouvons d'ailleurs remarquer dans Colossiens chapitre 1, verset 9, « C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. » Une des raisons pour laquelle nous ne voyons pas Dieu accomplir de plus grandes choses, et parce que nous faiblissons dès le premier verset de ce passage, c'est-à-dire que nous arrêtons de prier. Nous relâchons nos efforts. Nous prions souvent pendant 2 ou 3 jours, mais moins d'une semaine plus tard, nous oublions le fait que nous avons prié pour cette personne. Notre attention se laisse attirer par d'autres choses, ou alors nous commençons à entretenir ce genre d'idées. Eh bien, on dirait que le Seigneur ne va pas répondre à cette prière. Il ne l'a pas exaucée dans les détails que j'avais prescrits. Je voulais que cela soit fait hier, Seigneur. Et c'est ainsi que nous cessons de prier. Or, le Seigneur désire que nous nous précipitions vers lui pour prier de façon continue et répétitive, comme les vagues viennent se fracasser sur le sable ou comme le soleil se lève chaque matin. Nous devrions prier aussi longtemps que la terre continue de tourner et aussi constamment que les vagues qui s'écrasent sur le rivage dans un grand éclat d'écume ou qui ondulent à peine sur la plage sablonneuse. Elles reviennent sans cesse, car rien ne peut les en empêcher, tout comme on ne peut empêcher le soleil de luire ou cette bonne vieille planète de tourner. Dieu nous demande de prier sans cesse et les résultats finiront par se produire. Dans notre passage de l'Épître aux Colossiens, l'apôtre Paul nous propose une requête à 6 volets. Comme j'aimerais qu'une personne présente cette requête à Dieu pour moi, tout comme je prie pour que le Seigneur exauce cette requête pour plusieurs personnes autour de moi. Et je crois fermement que si tous les papas et tous les mamans présentaient cette requête en intercédant pour leurs enfants, ils verraient Dieu opérer des changements notables dans la vie de leurs enfants. Si les maris et les femmes priaient les uns pour les autres en mentionnant leur nom précisément, spécifiquement, et en lisant cette requête à Dieu de tout leur cœur, en soumettant avec insistance chacun de ces volets, vous verriez votre mariage se diriger vers des eaux paisibles. Vous verriez quelque chose se produire dans votre relation. Vous verriez quelque chose se produire dans votre famille tout entière. Et si vous priez pour votre patron, vous verriez quelque chose se produire dans votre relation avec lui. Priez pour la production de votre employé. Priez pour les personnes avec lesquelles vous éprouvez des difficultés de communication. Priez pour un de vos amis et arrêtez votre choix sur une personne dont la vie devrait être transformée radicalement par le Seigneur. Dieu répondra à cette prière et vous verrez une démonstration de son œuvre surnaturelle dans la vie de cette personne. Voyons maintenant le premier volet, dans Colossiens chapitre 1, verset 9. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Nous avons ici 2 mots qui font référence à l'idée de prière. Le mot « prier » est en quelque sorte le terme général pour dire qu'on s'adresse à Dieu. Nous parlons ici d'une requête globale. Par contre, le verbe « demander » dans la deuxième partie du verset implique une requête plus spécifique, dont le but est d'attirer l'attention sur le sujet de la requête. Revoyons le verset en nous concentrant sur ces deux verbes. Lisons le verset 9 de Colossiens chapitre 1. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Dans le premier volet de la requête, il est mentionné qu'on prie non pour nous-mêmes, mais pour une autre personne. Nous prions premièrement pour qu'elle puisse connaître la volonté de Dieu. En d'autres mots, elle ne doit pas seulement se demander quelle est cette volonté. Elle ne doit pas seulement recevoir une direction générale, mais elle doit savoir précisément et exactement la volonté de Dieu pour sa vie. Il ne s'agit pas d'intercéder pour une connaissance générale, mais bien précise pour la volonté de Dieu. Si vous lisez la vie des saints de l'Ancien et du Nouveau Testament, vous constaterez que Dieu leur disait exactement ce qu'ils devaient faire. Le Seigneur disait à Abraham d'aller à un certain endroit et de faire une certaine chose. Il ne lui disait pas seulement de faire une promenade de santé avec son fils. Regardons Genèse 22, verset 2. Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Dieu peut nous donner des directives spécifiques et claires. Le premier volet de la requête que nous devrions adresser à Dieu en faveur d'une personne aimée devrait ressembler à ceci. « Seigneur, montre-lui » Donne-lui une pleine connaissance de ta volonté, pas seulement une idée floue, ni une direction générale, mais une connaissance précise et exacte de ta volonté pour sa vie. Si vous voulez prier pour vos enfants, dites à Dieu quelque chose comme ceci. Seigneur, montre-leur exactement ce que tu attends d'eux. Quelle direction ils doivent prendre et quand la prendre. Donne-leur une conviction. Il n'est pas dans l'intention de Dieu de nous diriger de loin ou juger en nous laissant nous débrouiller avec les détails. Si Dieu a une volonté pour notre vie, il nous donnera une direction qui nous permettra d'aller chercher ce que la vie nous réserve de meilleur, pour nous comme pour lui. Dieu ne se contente donc pas de nous donner des généralités, il nous donne des précisions. C'est pourquoi, quand nous prions pour quelqu'un d'autre, nous devons prier qu'il soit rempli de la connaissance de la volonté de Dieu en toute puissance et intelligence spirituelle. Lisons maintenant Colossiens 1, versets 9 à 11. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérant et patient. Un beau matin, il se pourrait que vous demandiez à votre ami ou à un collègue de travail « Que pensez-vous que je devrais faire concernant telle situation? » Si cette personne n'est pas sauvée, elle vous donnera une réponse basée sur la sagesse du monde. Or, cette sagesse est absolument opposée aux voies de Dieu. Et si vous demandez l'avis d'un chrétien charnel, c'est-à-dire de quelqu'un qui vit encore selon la chair et qui ne cherche pas et ne marche pas selon les voies de Dieu, devant la même question, il vous donnera habituellement une opinion qui s'enracine dans le système de pensée du monde. Or, rappelons-nous que nous vivons dans un monde conduit par Satan. C'est ce que rapporte la Bible. Satan est le dieu de ce siècle, il est le prince de ce monde. Il ne contrôle pas ce monde, mais il est le dieu du système de ce monde. Tout le système politique, social, religieux et économique de ce monde fonctionne sur des principes diamétralement opposés à ceux enseignés par Dieu dans sa Bible. Aussi, quand les croyants consultent les incroyants au sujet d'une direction à prendre pour leur vie, ils commettent une grave erreur. Si nous voulons connaître la volonté de Dieu, nous devons connaître sa pensée. Demandons-lui de nous éclairer. Seigneur, dans cette situation et au point où j'en suis rendu dans ma vie, que veux-tu que je fasse? Et vous pouvez être assuré que Dieu ne se contentera pas de vous répondre « Eh bien, fais comme bon te semble ». Pourtant, la plupart des gens, et même des chrétiens, pensent de cette manière. Ils se disent « Bah, je suis sauvé, et je crois aller dans la bonne direction. Je n'ai pas besoin d'en savoir plus ». Toutefois, aller dans la bonne direction n'est pas suffisant pour obéir à Dieu, pour vivre sa vie au maximum et pour être en mesure d'atteindre son plein potentiel. Car chacun de nous dispose d'un potentiel dont il est inconscient. Et la seule façon d'atteindre ce potentiel est d'obéir précisément et exactement à la volonté de Dieu. Cependant, on ne peut pas obéir à quelqu'un que l'on ne connaît pas. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit dans Colossiens chapitre 1, versets 10 à 12, « Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérant et patient. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. » Cela revient à dire qu'il nous faut rechercher la pensée de Dieu, considérer les choses selon son point de vue et être capable de discerner non seulement la différence entre le bien et le mal, mais également la différence entre le bien et le meilleur. Et le meilleur de la vie nous vient en connaissant la volonté de Dieu. Nous ne voulons pas nous contenter de ce qui est bien, nous voulons savoir ce que Dieu voit. Et souvent, et même plus souvent qu'autrement, le monde vous conseillera selon leurs jugements et leurs valeurs qui vont totalement à l'encontre des principes de Dieu et même de sa volonté. Car les gens ont un système de pensée erroné. Ils ne conçoivent pas la vie telle qu'elle est, mais telle qu'ils voudraient qu'elle soit. Il s'agit d'une vision contrefaite et vide qui ne motivera jamais personne à atteindre son plein potentiel. Une des premières requêtes à effectuer pour une personne aimée et une requête que j'aimerais certainement qu'on présente à Dieu en ma faveur est celle décrite dans Colossiens 1, verset 9. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Pourquoi? Parce qu'en priant de la sorte, je parviendrai à connaître exactement la volonté du Seigneur pour ma vie. Et imaginez quel impact une telle prière dite quotidiennement pourrait avoir sur vos enfants ou votre famille. Seigneur, que mon fils ou ma fille, que ma famille tout entière connaisse ta volonté pour leur vie pendant cette journée. Guide-les dans chaque décision qu'ils auront à prendre. Vos proches apprendraient certainement à vivre en accord avec la volonté de Dieu. Ils ne marcheraient plus sur une route large, mais sur le chemin étroit de l'obéissance à Dieu. Premièrement, donc, nous devrions demander à Dieu de nous indiquer ses directions pour une situation précise, et ce, quotidiennement. Deuxièmement, prions pour la direction à donner à notre vie. Il est décrit dans Colossiens chapitre 1, verset 10. Relisons à nouveau ce verset. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. La Bible emploie parfois le terme « marcher » dans un sens symbolique. Par exemple, on peut marcher dans le péché et la transgression. Dans ce cas-ci, on fait référence à un mode de vie, à un comportement ou à un style de conduite. Répétons la prière du verset 10. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Le mot digne se rapporte à la direction qu'emprunte notre vie. Elle devrait toujours dépendre de la volonté de Dieu. Je fais référence ici à une qualité de vie. La vie de Jésus-Christ est un exemple pour nous et notre vie devrait peser comme la sienne. Notre vie devrait exercer une influence sur celle des autres. Pouvez-vous vous imaginer vivre 40, 50 ou 60 années de votre vie sans jamais laisser de traces? L'apôtre Paul nous prévient contre ce genre de vie gaspillée dans Colossiens 1, verset 10. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Paul nous exhorte à développer le genre de vie digne du Seigneur et digne d'un disciple de Jésus-Christ. Une vie dont le comportement est à la hauteur du nom de disciple. Nous devons mener une vie consacrée au Seigneur. Nous devons lui obéir et manifester sa grâce dans ce monde. Voulez-vous prier cette requête pour moi comme j'aimerais la prier pour vous? Car je crois que si nous prions les uns pour les autres, pour nos familles, nos amis, nos patrons ou nos employés, Dieu accomplira des changements radicaux dans leur vie. Regardons à présent le troisième aspect de la requête, toujours au verset 10. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Troisièmement, nous devons porter du fruit. Nous portons tous du fruit. C'est dans notre nature. Il peut s'agir de bons fruits par le genre de vie que nous menons ou au contraire, de mauvais fruits. Or, toujours est-il que nous développerons une des deux variétés de fruits. Comment? En faisant des activités, en s'engageant à faire quelque chose. Et la question se pose, pendant les années de votre vie, quels fruits avez-vous porté? Si vous vous retournez et que vous considérez le chemin parcouru jusqu'ici, quels fruits pouvez-vous contempler? Si vous me répondiez, je n'aime pas vraiment penser à cela, je vous rétorquerais que nous devons tous y penser. Regardons à nouveau le verset 10. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Votre vie est-elle productive? Pouvez-vous dire que, parce que vous êtes là, la vie des gens autour de vous est différente? Si vous répondez positivement, vous savez que vous portez du fruit. Et vous savez ce que cela signifie. Jésus-Christ s'est incarné il y a 2000 ans et il vit maintenant à l'intérieur de chaque enfant de Dieu pour produire des fruits. Ne vous méprenez pas, il ne s'agit pas de faire ceci ou cela au gré de nos caprices et de nos objectifs personnels. Il s'agit de faire ce que Dieu demande parce que Jésus-Christ est au centre de notre vie. Par nous, il produit ses fruits. Comment pouvez-vous porter des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres? En permettant au Seigneur Jésus-Christ, qui vit sa vie en vous, de produire du fruit en vous par sa force et sa puissance. Je le répète, nous portons tous des fruits. Cependant, avez-vous déjà porté des fruits dans votre vie que vous ne vouliez pas qu'on cueille? Comme nous vivons tous une vie qui porte un certain fruit, la question est de savoir si quelqu'un qui cueillerait le fruit de votre vie souhaiterait vous ressembler. Voudrait-il connaître le Seigneur Jésus-Christ? Voudrait-il connaître la volonté de Dieu pour sa vie? Ne l'oubliez pas, votre langage, votre comportement et votre caractère sont les fruits de votre vie. Si vous continuez de vivre votre vie comme vous le faites présentement, le rendement de votre investissement vous conviendra-t-il? Quelle en sera la nature? Consistera-t-il seulement des choses temporelles ou y trouvera-t-on aussi des choses éternelles? Qu'investissez-vous présentement dans votre vie qui aura des répercussions éternelles? Car rien ne demeure dans ce monde et tout deviendra cendre. Aussi, demandez-vous si vous passez votre temps à investir avec sagesse dans votre vie. Vous savez, vous ne pouvez pas arrêter le temps. Vous ne pouvez pas arracher les aiguilles de l'horloge. Vous n'êtes pas plus en mesure de retrancher une seule fraction de seconde au temps qui passe. Alors, je vous répète la question. Que faites-vous de cette précieuse vie que vous avez? Investissez-vous dans le temporel, le temporaire et le passager? Si c'est votre cas, dites-vous que c'est comme essayer de saisir le brouillard ou de la vapeur, c'est vain. Préférez-vous investir plus justement votre vie afin qu'elle ait des répercussions éternelles? Il n'est pas trop tard pour y réfléchir. Dans quoi investissons-nous nos vies, c'est-à-dire notre temps, notre énergie, nos efforts et notre argent? Le sujet de notre pensée et de notre investissement convient-il à Dieu? Notre Seigneur est-il glorifié par les fruits que nous portons? Cette réflexion vous appartient. Je dois cependant vous prévenir. Satan est passé maître dans l'art de tromper les meilleurs enfants de Dieu et de les dévier de leur route pour les faire emprunter les voies temporelles et vaines au lieu de celles éternelles et solides. Vous n'avez pas à me rendre de compte. Or, il existe une personne à qui vous devrez rendre des comptes, et c'est Dieu. Et avant de lui rendre des comptes, vous devez vous rendre des comptes à vous-même. Analysez votre vie suite à ce que vous venez d'entendre, la parole de Dieu. Quand nous prions pour quelqu'un, nous formulons nos requêtes à Dieu, aidés par notre intercesseur Jésus-Christ qui s'est sacrifié pour nous, ce qui rend ce geste légitime. Or, nous ne savons pas toujours comment prier spécifiquement pour une personne. C'est pourquoi Charles Stanley s'inspire de la prière de Paul aux Colossiens, chapitre 1, verset 9, et la dissecte pour nous expliquer comment prier efficacement. Il nous rappelle par la même occasion à quel point il est important de prier les uns pour les autres. Investissez-vous votre temps et votre énergie dans la vie de quelqu'un ou dans quelque chose d'autre que vous-même? Car Dieu ne nous a pas sauvés seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour les gens qui nous entourent. Aussi, priez-vous régulièrement pour vos chefs, votre famille et vos amis? Ne l'oublions jamais, par nos prières constantes, nous détenons le pouvoir de toucher n'importe qui, n'importe où, et ce, peu importe les circonstances. Qu'attendons-nous alors pour partager cette lumière dont Jésus parle dans Luc, chapitre 11, verset 33? Personne n'allume une lampe pour la mettre dans un lieu caché ou sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, afin que ceux qui entrent voient la lumière. Vous avez faim, vous avez soif, votre estomac est vide, votre cœur aussi. Les déjeuners de l'espoir peuvent remplir l'un comme l'autre. Un repas délicieux vous sera servi. Ensuite, vous pourrez entendre comment Jésus a transformé la vie d'une personne qui demeure près de chez vous. Peut-être est-ce un voisin, un ami ou un parent. Venez voir. Contactez-nous au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647 ou www.espoir.ca. Touchant le monde avec notre passion pour Dieu et notre compassion pour les gens, l'enseignement de Charles Stanley est une présentation de Ministère en Contact et une production de Radio Espoir.